kubariki. Bwana Mungu anibariki. Le pasteur Sam Kitoko. Pastori Sam Kitoko. Ainsi que Frère Baizire. Pamoja na nduku Baizire. Nous allons tous saluer au nom de Jésus-Christ. Bari msalimia bote mchina Bwana Yesu Kristo. Il y a aussi le pasteur José de Cape Town. Huko tena na pasteur José wa Cape Town. Ainsi que le diacre Peter. Pamoja na shemashi Peter. Qui vous ont envoyé les salutations. Nabo bari mi salimia. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Levons-nous pour la lecture de la parole de Dieu. Tusimame juu ya usomi wa neno la Mungu. Prenons nos Bibles dans Daniel au chapitre 4. Tuchugue bitabu yetu Daniel sura ine. Daniel au chapitre 4. Daniel sura yake ya ine. À partir du verset 1. Kwanzia mstari ya kwanza Daniel sura ine. Mwenyezi Mungu. Katika jina la Yesu Kristo, tuko na inamisha mioyo yetu mbele ya kiti cha enzi juu ya kukulomba huruma kwa kila kitu ambacho tukuweza kufanya sawa sawa pamoja na mapenzi yako. Tuko bantu e Bwana, mkusema, mkushikia, mkutenda au mawazo. Mara mingi tuko nenda mbali na mapenzi yako. Savi wewe aupendake matenda zambi katika uwepo yako. Tunakuhitaji upate kutuangalia katika macho ya buluma. Utusamee e Bwana. Juu sadaka yetu ipate kupokelewa nao. Bariki ikanisa na kuitakasa pamoja na mimi mwenyewe. Na ukumbuke kusema tuko mali yako. Juu wakati ulipanda kumsalaba akupandie bantu wenye kunyoloka, lakini ulipanda kwa kuweza kumwanga damu yako juu ya bantu wabaya sawashi. Utusaidia Senya. Kama tuko pale hapa mali ya mangamewe, tuko pale hapa mangaribi hii, ni juu maro yetu najua kusema atuyainia bado. Tuko na bintu ya mingi tunakosewa. Ushuke e Bwana, utufundishe manjia yako. Utufungule mashikio tuifahamu, nasi tutatembeleamo, na tuzafanya mapenzi yako, na itukufu itakuelekea wewe Mungu. Seigneur, asante. Mambo yote tuko nayo sabato, wewe uko mzazi upate kuimaliza. Kumbuka hii kanisa, unajua mahitaji ya hii kanisa, ya kiroho na kimwili, wewe Mungu uijibu kwa furaha yetu. Bariki neno itasomewa, utusaidie, utunyanyule pali pa mbingu, ndani ya Yesu Kristo. Asante Sanya, mwanzo na mwisho ya ibada, upate kuwa pamoja nasi, mungu jina la Yesu Kristo tunakuomba hivi. Amen. Daniel 4, verset 1. Daniel sura ya ine mustari ya kwanza. Nebuchadnezzar, roi à tout le peuple. Nebukadneza mufalme wa taifa yote. Kubantu bote. Onation. Mataifa. Aux hommes de toute langue. Bantu bama luga yote. Qui habite sur toute la surface de la terre. Benye kukala pa dunia yote mzima. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Salama imipewe katika wengi. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opéré à mon égard. Ili nipendeza nipate kuonekanisha maalama na maishara ile Mungu wa uwezo alitenda kungambo yangu. Le Dieu suprême. Mungu mkubwa. Qui est au-dessus de tous, mwenye kwa yule ya bantu bote, a opéré amonega. Ile arinitendea. Que ces signes sont grands. Ya kwamba maalama yake iku munene. Que ces prodiges sont puissants. Maajabu yake ni ya uwezo. Son règne est un règne éternel. Na utawala yake ni utawala ya milele. Et sa domination subsiste de génération en génération. Na mamlaka yake kuna dumu milele na milele bizazi kwa bizazi. Moi, Nebuchadnezzar. Miye Nebuchadnezzar. Je vivais tranquille dans ma maison. Nilikuwa nikala katika salama munyumba yangu. Heureux dans mon palais. Mwenye kwa katika raha munyumba yangu ya bufalme. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Nilipata ndoto ile ilinipatia boka. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche. Mawazo ile nakuwa na wazo wakati nakuwa mwenye kulala. Et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Na maono ya roho yangu ilinjaza na boka. J'ordonnais qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone. Nikamuru wapate kuniletea benye kima bote wa Babeli. Afin qu'il me donne l'explication du songe. Ili wapate kunipatia mafasilio ya ndoto. Alors vinrent les magiciens. Ba majende bakakuja. Les astrologues. Ba astrologue bakakuja. Bala kuangalia manyota. Ba kuangalia manyota na ba bakakuja. Les caldeens et les devins. Ba caldeens na bafumu. Je leur dis les songes. Nikabambia ndoto. Et ils m'en donnèrent point d'explication. Alakini abakunipatie mafasilio yayo. En dernier lieu se présenta devant moi Daniel nommé Belshazzar. Kumwisho njo kukaonekana mbele yangu Daniel jina lake Belshazzar. D'après le nom de mon Dieu. Kufatana na jina ya Mungu wangu. Et qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Na mwenye kwa ndani yake na roho ya miungu takatifu. Je lui dis le songe. Nikamwambia ndoto. Belshazzar, chef des magiciens. Belshazzar, mkubwa wa majende. Qui a en toi, j'ai laissé l'esprit de Dieu, Dieu saint. Mwenye kwa ndani yako na roho ya mtakatifu. Et pour qui aucun secret n'est difficile. Na ule, hakuna siri hata moye kungufu kwake. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eu en songe. Unipatie mafasilio ya ile ono naripata mundoto. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Tazama maono ya roho yangu wakati nalikuwa mwenye kulala. Et j'ai regardé. Na tazama nalikuwa niangalia. Et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Na tazama katikati ya dunia palikuwa mti mnene sana mrefu. Cet arbre était devenu grand et fort. Ile muti ikakuwa munene na ya nguvu. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux. Na chongo yake ilikusa na kumbingu. Et on les voyait des extrémités de toute la terre. Barikuwa na yona dunia mzima kufika na kumipaka yayo. Son feuillage était beau. Mayani yake ilikuwa ya mzuri. Et ses fruits abondants. Na matunda yake ilikuwa ya mingi. Il portait de la nourriture pour tous. Ilikuwa naletea chakula batu bote. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Na wanyama wa mpori walikuwa nakaa chini ya kimvuli yake. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Na wandeke ba anga walikuwa nakaa mu matawi yake. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Na mtu kitu kyote kizima kilikuwa napata chakula kwa ile muti. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant le sommeil. Mu ile maono ile nariona mu roho yangu wakati nalala. J'ai regardé et voici. Nalikuwa natazamia na kisha nikaona. L'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendu des cieux. Na mmoja mtakatifu mwenye ukaisha. Descendit dessus. Akashuka toka mbingu. Il cria avec force et parla ainsi. Akalalamika na nguvu na kusema hivi. abattez l'arbre. Mupate kukata ile muti. Et coupez ses branches. Na mukate na matawi yake. Secouez les feuilles, les feuillages. Mutigize mayani yake. Et dispersez les fruits. Na muzambarishe matunda. Que les bêtes fuient de dessous. Na banyama bapate kuikimbia. Et que les oiseaux du milieu de ses branches. Na bandeke bakimbie matawi yake. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana Mungu aongeze baraka kusomi wa neno lake. Si vous avez suivi attentivement, kama mulifuata mzuri mzuri, vous remarquerez que le chapitre 3 et le chapitre 4 de Daniel, mutaona ya kwamba sura 3 na sura ya 4 ya Danieli traite des événements qui s'accompliront après l'enlèvement de l'épouse. Inasemea yulu ya mambo ile tafanika kisha kunyanyuliwa kwa bibi harusi. Ces deux chapitres dont je viens de citer, ima sura mbili minatoka mkusema, traite cette période qui va après l'enlèvement de l'épouse jusqu'au millénium. Inasemea ile wakati itafanika kisha kunyanyuliwa kwa bibi ya Rusi na kufika mutawala miaka elfu. Mais cette période, na lakini ikipande wakati, est exprimée dans Daniel 3 et Daniel 4 en image. Banayonesha mu Daniel sura 3 na 4 mu mapicha. C'est un type. Ni mu mifano mapicha. Mais ces types en réalité ne sont pas compliqués. Lakini mapicha ina ya nguvu. Ce sont des types qui sont réellement visibles quand vous lisez les Saintes Écritures. Ni mapicha tu le kuwazi wakati unasoma maandiko takatifu. Et pour quiconque qui a un esprit d'approfondir les choses de Dieu, yeyote mwenye kuwa na roho juu ya upana mubitu ya Mungu, et qui connaît bien les Saintes Écritures, na mwenye kujua bien maandiko takatifu, et qui est plongé dans la parole de la prophétie, na mwenye kujitumbukiza muneno ya unabi, il comprendra clairement, ataelewa waziwazi, que ces deux chapitres, ya kwamba hii masura mbili, parle de cette période, inasemea hii wakati, qui va de l'enlèvement de l'épouse, ile takuya kisha kunyanyuliwa bibi harusi, jusqu'au millénium, kufika na mutawalo wa miaka elfu. Hier, avant de terminer, nous avons dit ceci. Jana mbele ya kumaliza tulisema hivi. Après l'enlèvement de l'épouse, kisha kunyanyuliwa kwa bibi harusi kwenda mutukufu. Comme cela était consigné dans la statue de Nebuchadnezzar, paka vile ilikuwa yenye kuandikiwa sanamu ya Nebuchadnezzar, pour montrer qu'il y aura des alliances, juu ya kuonesha kwamba kutakuwa maagano mbili, la bête fera des alliances avec plusieurs, nyama atafanya maagano na batu mingi. Certainement, après l'enlèvement de l'épouse, akika ni kisha kunyanyuliwa kwa bibi harusi, il y aura conclusion de l'alliance, utakuwa kusikilizana yule ile maagano, entre Israël, katikati ya Israeli, et le Vatican, na Vatican, entre Israël, katikati ya Israeli, avec l'organisation de la libération de la Palestine. Na matengenezo ya kuacha uru Palestina. Que nous abrégeons OLP. Ile tunaita mufupi OLP. C'est une organisation des Arabes. Ni matengenezo ya Waarabu. Qui se sont assignés comme objectif de défendre les droits palestiniens. Ile walichukua sawa kifukuzio juu ya kukombania mahalali ya wa Palestina, pour s'empêcher à Israël après son retour de l'exil. Juu ya kumuzuiza Israeli kisha kurudi kwake kutoka mule fazi alikimbilia. Et cette organisation des Arabes pour défendre la Palestine et les Palestiniens fut créée le 17 janvier à 1967. Bali Yanzaka le 17 janvier 1967. Au Caire, en Égypte. Le temps viendra. Wakati takuja. Lorsque Israël aura besoin de construire le temple pour l'adoration à Jérusalem, wakati Israël atakuwa na hitaji ya kujenga hekalu juu ya kuabudu mule mu Yerusalema, et le Vatican sera au milieu comme un grand négociateur, na Vatican itakuwa katikati sawa mwenye kupatanisha, pour parler en même temps et à Israël et en même temps et aux Arabes et en même temps et aux Palestiniens, kusema, pour qu'il y ait paix. Juu kusema na Waarabu, kusema na Israeli, kusema na Wapalestina, juu kupate kuwa salama. Ainsi que tous les états arabes pamoja qui contournent Israël. Pamoja na ma inchi ya Waarabu yenye kuzunguka Israeli. Je vous ai promis qu'on va en parler lorsque nous allons parler de la 70e semaine de Daniel. Nalimiambia kwamba tutasemezea wakati tutasema yulu ya majuma 70 ya Daniel. C'est lorsque cette alliance sera conclue. Ni wakati ile agano itafanika entre Vatican avec plusieurs pays pour sur Jérusalem. Katikati ya Vatican na ma inchi mingi yulu ya Yerusalema. Ils vont signer un traité de paix. Bata tia siani yulu ya sigilizano ya salama. C'est alors que commencera le ministère de deux prophètes d'Apocalypse 11. Pale njo patanza mautumishi ya manabii bawili ba Ufunuo sura 11. Et ces deux prophètes d'Apocalypse 11, ils ont un ministère d'appeler les 144 000 juifs afin de les annexer au salut de Christ pour qu'ils expérimentent aussi la grâce de l'œuvre du calvaire. Nous en parlerons. Mais vous devez noter cela parce que c'est très important. Et une autre chose qu'il faut considérer. Après que Dieu ait délivré Shadrach, Meshach et Abednego, kisha Mungu kukomboa wanda kutosha mutanuru Shadrach, Meshach na Abednego dans la fourneuse ardente, batosha mutanuru ya moto dans Daniel au chapitre 3, ni Daniel sura 3 dans son verset 26 mustari ya 26 jusqu'au verset 29. Vous pouvez aller même au verset 30. Ensuite, Nebuchadnezzar. Nakisha Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fourneuse ardente. Akakaribia kumulango ya ile tanuru ya moto. Et prenant la parole, il dit. Akachugua sauti na kusema Shadrach, Shadraki, Meshach, Meshaki et Abednego, na Abednego, serviteur du Dieu suprême, mwe matumishi ya Mungu aliye juu sana, Mungu mkubwa, sortez et venez, tokeni na mkuye, et Shadrach, Nakisha Shadraki, Meshach, Meshaki et Abednego, Abednego sortir du milieu de feu. Bakatoka mule mumoto. Avant que ces trois compagnons de Daniel ne soient jetés dans la fourneuse ardente, Bele yaba bajirani tatu ya Daniel kutupa mumoto, Nebuchadnezzar était très orgueilleux. Nebuchadnezzar alikuwa makiburi sana. Il leur avait dit, alibambiaka, si vous n'adorez pas la statue, kama amuabudu sanamu yangu, je vais vous jeter à l'instant même dans la fournaise ardente. Kama tu papa kapasasa mu tanuri ya moto. Et on verra quel Dieu qui vous délivrera de ma main. Na tutaona ni Mungu kanula tamikomboa toka mikono yangu. Parce qu'il parlait sous l'orgueil. Dieu alikuwa anasema na kiburi. Mais regardez ici, sasa tazameni hapa, il reconnaît Shadrach, Meshach et Abednego, Shadrach, Meshach na Abednego comme les serviteurs du Dieu suprême. Ya Mungu aliye juu sana. Les satrapes, verset 27. Les satrapes. Gouverneur, Baliwali, les intendants, Bakubwa, les gouverneurs, Yongozi, Baliwali, et les conseils du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Balione ya kwamba moto haikuwa na uwezo hata kidogo yule hapa bantu. Et que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés. Na nywele yabo na bicha yabo haikulungule kamwe. Que leurs caleçons n'avaient point endommagé. Na mavazi yabo ya ndani haikuharibike kamwe. Et que l'odeur de feu ne les avait pas atteint. Na ata arufu ya moto haikubaguse. Nebukadnezar prit la parole et dit, Nebukadnezar akachukua sauti na kusema, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Abarikiwe Mungu wa Shadraki, Meshaki na Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Mwenye ula rituma malaika wake na kukomboa batumishi yake wale bali mutumia. Et qui ont violé l'ordre du roi. Na wale bali vunja agizo ya mfalme. Et livre leur corps plutôt que servir et adorer aucun autre dieu que le leur. Wale bali toa mili yabo kuliko kutumutumikia Mungu mwingine kushindia wabo. Voici maintenant l'ordre que je donne. Sasa tazameni agizo le minaleta. Tout homme. Muntu wote. A quelque peuple. Ata akiwe wa taifa gani. Nation. Akiwe wa inchi gani. Ou langue qui l'appartienne. Wala wa lugha kaninye anasema. Qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, il sera mis en pièce. Et sa maison, il sera mis en pièce. Batamukatakata. Même autrefois là, tu avais très mal interprété. Mettre en pièce, ce n'est pas mettre dans la maison, ce n'est pas mettre dans une prison. Sera mis en pièce. Et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Amen. Amen. C'est vrai. Il n'y a aucun autre Dieu sur toute la terre qui peut délivrer comme notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, Munaona, le roi Nebukadnezar a reconnu la puissance, uwezo, l'autorité, mamlaka, du véritable Dieu, ya Mungu wa kweli, le Dieu suprême, Mungu wa juu sana, et sa protection, na ukingo wake, qu'il a fait à ses serviteurs, il a rifania batumishi yake, qui lui sont restés fidèles. Bale bale bakia baminifu. Il a reconnu ça. Huyu mfalme alitambua vile. Nebukadnezar a reconnu. Nebukadnezar alitambua. Que si toute la terre. Ya kwamba pa dunia mzima. Il n'y a pas aussi un autre Dieu. Hakuna Mungu mwingine. Qui est capable de protéger ses serviteurs. Mule kona uwezo ya kulinda kukinga batumishi yake. Et il les a bien appelés. Na, alibaita mzuri. Il a dit les serviteurs. Alisema batumishi. Dieu suprême. El Elyon. Ya Mungu aliye juu sana, El Elyon. Celui qui est au-dessus de toutes choses. Ye Dieu ko yulu ya vitu vyote. C'est vrai frère. Mbia kweli nduku. Notre Dieu. Mungu wetu. Protégera toujours. Atendelea kulinda kukinga. Ses serviteurs. Batumishi yake. Même Paul en a parlé. Ata Paulo alisema vile. Dans Romains au chapitre 8. Warumi sura yake munane. C'est pourquoi aujourd'hui. Je commande à Léo. Beaucoup de frères. Banduku mingi. Et beaucoup de sœurs. Na badada mingi. Marchent dans la peur. Bekona tembea muboka. Ils craignent les gens. Bekona ogopa batu. Ils craignent les sorciers. Bekona ogopa balozi. Ils craignent les chats. Bana ogopa bapusi. Ils craignent les hiboux. Bana ogopa bafuifui. Car il suffit seulement qu'on lui raconte que cette maman-là est sorcière, ou cet homme-là est féticien, c'est un devin, on voit les frères trembler. C'est une honte, un signe qui prouve que les gens ne croient pas, ya kwamba, ils n'ont pas le Dieu qu'ils prétendent servir. Ils sont vides, abana et dans leur cœur, et ils sont vides même dans leur esprit. Daniel ici, Daniel apa umumu Babeli, à cause de sa fidélité envers le véritable Dieu vivant, il était même nommé chef des magiciens. Il n'était pas seulement les magiciens de cette portion de la terre Babylone, il était le chef des magiciens de tous les magiciens du monde entier. Regardez, si vous étiez attentif à la lecture, quand Nebuchadnezzar parle, il ne s'adresse pas à des individus, il s'adresse à tout le peuple, à toute nation, à toute langue, sur toute la surface de la terre, parce que son pouvoir était universel, sa domination était universelle. L'Église est avec moi. Sur toute la terre. Au temps de Daniel, il n'y avait pas un sage plus que Daniel. Il n'y avait aucun devin plus que Daniel. Frère, ma soeur, pourquoi? C'est parce que Daniel, comme Nebuchadnezzar l'a témoigné, il avait en lui l'Esprit de Dieu Saint. C'était un langage païen, lui il ne connaissait pas Dieu. Il n'avait pas en lui l'esprit de Dieu, de beaucoup Dieu saints. Il avait seulement en lui l'esprit de Jéhovah. Quand Dieu habite dans ton cœur, tu es dans une sécurité totale, et aucun devin, aucun chanteur, qui qu'il soit, aucun savant, aucun sage, ne peut vous affronter, parce que la sagesse que vous avez est une sagesse surnaturelle. Il a reconnu ça. Alitambua ile. Hatuamini frère. Nous ne croyons pas frère. C'est pourquoi beaucoup de choses ne sont pas manifestes dans notre vie. Nous avons des frères et des sœurs qui sont totalement païens, tellement païens, secs. Ce sont comme des gens qui sont nés en brousse, là où il y a des pigments, il est seulement là-bas, il est né dans des coutumes, il grandit dans des coutumes. Ce qu'il connaît après, c'est seulement grimper sur les arbres pour suivre des billets. Il ne connaît rien, que même au ciel, il y a un Dieu. Il croit n'importe quoi. Et qu'on a mis à essayer de tout gagner. Il y a des frères et sœurs. Malgré que le message à ta ville où Djumbe a été donné, malgré que la parole de Dieu est apportée, mais dans leur conscience là, ils croient d'une manière traditionnelle. Ils ont une foi traditionnelle. C'est quel genre de foi? C'est quel Dieu que les gens croient. Comment quelqu'un, avec cette grande lumière que Dieu nous a donnée, avec cette connaissance de la Bible que Dieu nous a donnée, on peut trouver un frère, on peut trouver une soeur, il va encore s'humilier devant les statues, il va encore chez les devins, il va encore chez les féticheurs. Non, il y a quelque chose d'anormal. Il y a quelque chose de faux. Même l'enchantement contre Israël n'a pas de fait. Tout enchantement contre un chrétien est nul. Il n'y a aucune malédiction qu'un devin peut prononcer ou un enchanteur peut prononcer pour un fils de Dieu qui peut l'atteindre. Il n'y a aucune malédiction. Quelqu'un que Dieu a béni, il vient le maudire au nom de ton Dieu qui n'existe pas. Nous, frère, ça n'existe pas. Il a écala keko. Ça ne peut pas exister. Yako. La Bible elle-même dit. Biblia une malédiction sans cause. Malana, bila sababu, aina na uwezo, aina na kitu ile tafanya. Les gens craignent la malédiction. Cet homme-là, il jette des sorts aux gens. Où le mutu, eko na tupia na mikoshi. Lorsqu'un enchanteur ou un devin ou un magicien s'hasarde à jeter du sort sur un véritable chrétien né de nouveau, il tombera fou. Les chrétiens et les chrétiennes sont revêtus d'une puissance invincible. Il a ouezo kushinda. Kutawana. Pourquoi les gens ont peur? Pourquoi les gens ont peur? Janine batubeko na ogopa beko na boka. Donc. Manyonya yankanga nkanga mwenye mujima. Juste les plumes d'une perdrix. Manyonya yakabunji mujima. Ou les poils de aiwezi kukutunza. Au kabunji mwenye mujima aiwezi kukuchunga. Même les kabunji vivants ne peuvent pas te guérir. Ça se fait kabunji wakufwa. Manaweza ngozi yake banakuchanga tu atakuchunga. Qui est mort, on vient avec ses poils, on te incise, est-ce que ça peut te soigner? Ni kukosa akiri. C'est par manque d'intelligence. C'est la stupidité. Voir des choses qui n'existent pas. C'est comme tel que nous sommes. Tu commences à avoir peur que là dehors il y a un homme. Tu es alors fou. On te dit que là dehors il n'y a pas de lions. Même les diacres qui sont là dehors, ils te disent, il n'y a même pas une poule qui passe ici. Mais toi, tu as peur de sortir, disant qu'on m'a dit qu'il y a un lion. Il y a certaines personnes. Les diables, la peur, ils craignent même juste la poule ici. Dès qu'il voit seulement la poule là, il a peur. Tu es quel genre de chrétien? Tu es craintif comme ça. C'est parce qu'on ne croit pas. Ni Dieu à toi, mini. On ne fait pas confiance en Dieu. On a d'autres croyances en dehors de la Bible. Et du Dieu de la Bible. Inje ya Biblia na inje ya Mungu wa Biblia. Vous allez voir quelqu'un. C'est plus qu'il y a seulement des ténèbres, il a peur. Dans sa maison, il dort tous les jours. Parce que le courant est partout. Il a peur dans sa maison. C'est quel genre de sottise dans ta maison. Lorsque le courant part, lui... Et dans les salons, mais dans sa chambre là-bas. Mouenyewe mouloji. Ni paka pale mouenyewe mouloji. Les sorciers. Ni paka le moto ya courant inenda. Lorsqu'il y a coupure du courant. Ya tunnel. De la... Jo mouloji. Anashuka directeur mouchambre ya kwekona kutunga kukuli. C'est alors que les sorciers va entrer dans ta maison puisqu'il y a... Kama moto ya courant inakuya. Les ténèbres. Mouloji anakimbi. Lorsque le courant revient, alors les sorciers s'en va. Et nous voyons beaucoup de frères et beaucoup de soeurs se comporter d'une manière insensée. Moi, comme une nyumba, kulala mounyumba. Même si je n'ai pas kulala mounyumba, nyumba mounyumba. Moi, j'ai peur de... Où qu'on n'a pas nini? Bah, quoi, bah, quoi, bah, quoi, bah, quoi, j'endoule? Bah, quoi, bah, quoi, j'endoule? Bah, quoi, bah, quoi, j'endoule? Est-ce qu'on peut t'aider? Et tout ça... Il est bien, t'es bien. Cette peur-là... Il est bon, car... Est liée... À la croyance traditionnelle... Qui n'a rien à faire avec la Bible. Je sais pourquoi m'batana na Biblia. Nous, nous sommes sous la protection du Dieu suprême, le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses, l'invisible et invisible. On ne doit pas craindre. Nebuchadnezzar avait reconnu cela. Nebuchadnezzar comment Dieu va l'humilier. Il s'est vu tellement petit. Vous allez voir comment Mungu atamushu chini. Dans Romains au chapitre 18, Warumi, sura 18 verset 31, yama que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, kama Mungu kungambo yetu, qui sera contre nous? Nanu ratatukumanisha tena. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus? C'est Dieu qui les justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Que serait-ce, la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, la nudité, ou le péril, ou le pain? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. C'est comme ça qu'on regardait les trois compagnons de Daniel. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dieu nous aime tellement qu'il ne peut jamais permettre que Satan ait le dessus sur nous. Si Satan peut arriver à nous vaincre, il nous a pas vaincu nous, il a vaincu le Saint-Esprit qui est en nous. Mais cette chose-là, elle est impossible. kitu hakiwezi kufanika, hakiwezekani. Ça ne peut pas se faire. Kufanika. Comment Satan peut vaincre le Saint-Esprit? Namna kani shetani anawezi kutawala Roho Mtakatifu. En toute chose, en toute épreuve, dans tous les événements que Satan peut provoquer sur nous et dans notre vie pour nous couler, pour nous tuer, nous serons toujours vainqueurs. Et même dans les épreuves, les épreuves pour un véritable croyant rendent la présence de Dieu réelle dans sa vie. Dieu a laissé Shadrach, Meshach et Abednego qu'ils descendent jusque dans la fournaise ardente. C'est dans la fournaise ardente qu'ils ont trouvé le Fils de l'homme. C'est dans la souffrance, dans les épreuves, que nous rencontrons Dieu. Ils ne l'ont pas rencontré quand ils mangeaient à la table. Dans les difficultés, Dieu devient une réalité. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. Le roi, après avoir vu la protection que Dieu avait faite sur ses serviteurs, la délivrance et la puissance par laquelle ils avaient délivré du feu, lui-même glorifia Dieu. C'est lui-même un païen. Même ma démon, il m'oukimbia. Même les démons l'enfuient. Quand il faisait ça, il était inspiré par Dieu, par le diable. Mais quand il a vu la main de Dieu dans la vie de ses hommes, il a maintenant glorifié Dieu. Vous voyez bien, mes frères, c'est quoi il dit? Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que le leur. Kuliko kutumikia sanamu yangu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qui l'appartienne, qui parlera en mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego sera mis en pièce. Ule wote atasema vibaya Mungu wa Shadrach, Meshach na Abednego batakufa. Et sa maison sera réduite en état d'immondice. Nyumba yake bataibomola. Il n'y a aucun autre Dieu. Jua kuna Mungu mwingine. Il n'existe pas un autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Sawa yeye. C'est vrai, frère. Bia kweli nduku. C'est vrai, ma sœur. Bia kweli dada. Si vous verrez, après cela, ces trois amis de Daniel, après ces épreuves, ils sont entrés dans le repos. Après la tribulation, ils ont prospéré. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. On n'a pas écrit ces choses bien comme une histoire. Comme on commence à chanter, comme les dénominationnels. Non. Ces choses doivent être une vie pour nous. Ça doit nous inspirer dans notre marche spirituelle. Ils ont souffert. Ils ont expérimenté toutes ces choses. Vous voyez, ces choses que nous avons parlé ici. Toute cette histoire ici que nous avons lue. Ne faisait qu'annoncer les choses qui viendront s'accomplir dans le Nouveau Testament. Vous voyez. Nebukadnezar était le type de la bête. Alikuwa ni picha ya nyama. Vous voyez? Munaona? Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, type Meshach, de vierge folle. Ni picha ya wabikira bumbafu. L'Égypte était là comme Israël. Ba Yuda walikuwa kwa sawa Israeli. Vous voyez, frère? Munaona ndugu. Vous voyez, sœur? Munaona dada? Exactement. Kabisa kabisa. Comme Dieu avait délivré les trois compagnons de Daniel, c'est ce que Dieu aussi fera avec les vierges folles. Mais lorsque la guerre d'Armageddon va éclater, le diable Shetani reconnaîtra la puissance, atatambua uwezo, la délivrance, ukombozi, l'autorité, mamlaka, du véritable Dieu, ya Mungu wa kweli, toute chose. Mubitu biote. Il va reconnaître cela. Atatambua ile. Dieu combattra pour eux. Mungu atawakumbania. Parce que Dieu nous aime. Ju Mungu anatupenda. Et tout celui qui sert le Seigneur, na ule wote anamtumikia Bwana, il entrera dans un véritable repos. Ataingia katika mapumziko ya kweli. Oui, bien-aimé frère. Dio ndugu mpendwa. Oui, bien-aimé sœur. Dio dada mpendwa. Quand quelqu'un sert Dieu, wakati mtu anamtumikia Mungu, il peut passer des moments difficiles. Anawezi kupita manyakati ya ngumu. Il peut passer les moments d'humiliation. Anawezi kupita mwakati ya kusherehesha. Les gens se moquent de lui. Watu wanaweza kumchekelea. Mais aussi longtemps. Lakini wakati yote. Il reste fidèle à Dieu. Anawakia mwaminifu kwa Mungu. Et qu'il met confiance dans son Dieu. Na anamtumainia Mungu wake. Dieu. Mungu. Lui donnera du repos. Atampatia mapumziko. Dieu. Mungu. Essuiera ses larmes. Atapanguza machozi yake. Il est le Dieu. Mungu. De toute consolation. Wa faraja yote. On ne console que celui qui est en souffrance. Baka ule mutu yako katika mateso. On console celui qui pleure. Bana farijaka ule mutu yako nalia. Tous ceux qui ont marché avec Dieu dans la fidélité. Bale dans la fidélité. Na Mungu katika uaminifu. Qui ont souffert pour la parole de Dieu. Bale waliteseka kwa certainement, la Mungu. Dieu va essuyer leurs larmes. Mungu atapanguza machozi. Il va les consoler. Atawafariji. Pour leur donner la joie éternelle. Dieu kuwapatia furaha ya milele. Oui, bien-aimé frère. Dio ndugu mpendwa. C'est pourquoi Nebuchadnezzar. Joko mana Nebuchadnezzar. Après avoir vu toutes ces choses. Kisha yeye kuona hivi vitu vyote. Il a voulu faire un témoignage. Alipenda kufanya ushuda. Il dit, moi Nebuchadnezzar. Anasema mimi Nebuchadnezzar. Roi. Mufalme. C'est toute la terre. Pa dunia mzima. J'écris. Nikalalamika. Ah, j'écris, écris. Ah, nikunaandika. Nikunaandikia. Nikunaandikia. J'écris à tous les peuples. Minaandikia watu wote. À toutes les nations. Mataifa yote. Aux hommes de toutes les langues. Bantu bama nabaka chokwe nabasanga nabakasai nabakarunda nababemba nabalamba nabahemba elehemba bote de toute langue bamaruga yote. Il nous a écrit alituandikia qui habite benye kuketi sur toute la terre pa dunia mzima que la paix ya kwamba salama soit donné en abondance imipewe katika wingi. Il m'a semblé bon ilinipendeza de vous faire connaître ya nimejulishe les signes et les prodiges manama na maajabu que le Dieu suprême. Le Dieu suprême, lisez frère, il est Mungu wa uwezo wote, Mungu mkubwa wa juu sana, a opéré à mon égard. Il est alinitendea. je veux faire son témoignage. Des choses qu'il a vécues. Un roi païen, sans Dieu. Un démoniaque. Mais il fait son témoignage. Pour que tout le monde, tout homme, toute langue, dans toute nation, écoute son témoignage. Nebuchadnezzar n'était pas comme Tshisekedi. Nebuchadnezzar n'était même pas comme notre chef de nation. Non. Il n'était pas comme le président de l'Union africaine, non. Il n'était même pas comme le président de l'Union africaine, Apana. Lui, il dominait jusque dans les recoins. Même ici à Kambove, c'est Nebuchadnezzar qui dominait. Naumu Mukambove, Nebuchadnezzar, Aritawana, Amo. Fouachiote, parfois Boulongo, na Parifatika, na Bantu, na Banyama, na Bandeke, yote bilibili kwa China, Ongozi, ya Nebuchadnezzar. C'était sous la domination de Nebuchadnezzar. C'est Dieu qui lui avait donné cette domination. Il verra parler des signes et des prodiges que le Dieu suprême a opéré à son égard. Que ces signes sont grands. Que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel. Amen. Et sa domination subsiste de génération en génération. Notre Dieu, il est tellement grand. Il est élevé. Il est plus puissant. Il domine toutes choses. Il est le maître suprême. Il fait sa volonté comme il le veut. Frère, ce sont des gens qui connaissent pas Dieu. Quand on a décidé, dès que Dieu décide, dans un clin d'œil, que tu sois comme un insecte. Subitement là, tu seras comme un insecte, tu vas commencer à ramper. Il est un Dieu à craindre, frère. Quand Dieu décide de changer les temps et les circonstances, notre Dieu le fait. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Si Dieu décide aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, que tu y es, tu deviendras riche à 20h. À 20h, tu deviendras un milliardaire. Et aujourd'hui, le monde entier te connaîtra. Notre Dieu n'est pas un homme. Il domine, il règne. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison. Erré dans mon palais. Il était tranquille, erré dans son palais, dans sa maison, avec ses statues, avec de la méchanceté, il était tranquille. Mais, si Dieu te laissait, mon zambi, dans les péchés, anakupatia wakati juu tubu, il te laisse le temps pour que tu te repentes. Si tu as décidé de humilier, tu as le zambi où qu'on a foi. À cause du péché que tu commets, tu seras couvert de honte. Si quelqu'un vivait dans le péché, il croit qu'il est très riche. Il croit que Dieu ne l'est pas. Notre Dieu voit partout. Et il n'y a rien de secret. Il n'y a rien de caché devant lui. C'est vrai, frère. C'est vrai, sœur. Ni wapi kule utenda, kule macho ya Mungu haita kuona. Là où les yeux de Dieu ne peuvent pas te voir. Si Dieu t'a donné une conscience, kama Mungu alikupatia zamiri. Si Dieu t'a donné une conscience, kama Mungu alikupatia zamiri. Que toi tu ne fais pas tromper. Ile wewe huwezi kulongofia. Et alors Dieu, sasa Mungu mara ngapi? La Bible elle-même dit, devant lui, même les ténèbres deviennent lumière. Hata magiza inakuwa nuru mbele ya Mungu. Kama uko nafanya nzambi, kati komele peche, uko musalama. Unafanya nzambi, uko musalama. Unafanya nzambi, uko musalama. Komele peche ampe. Hapana kufanya kiburi. Usiona sema kwa nguvu. Na hapana kuona kusema Mungu anasahau vile uko nafanya. Mais Dieu est patient. Mungu anakuvumilia. Itata au tournant. Eko na kuchunga kumwisho bule. Il va payer chaque grain. Utalipa kila mbego. C'est vrai, frère. Ya kweli nduku. Nebuchadnezzar. Arkwana jiona wa uwezo. C'est lui qui régnait sur toute cette terre. Arkwana tawala dunia nzima. Il se sentait Dieu. Arkwana jiona sawa Mungu. Il dominait tout le monde. Arkwana tawala bantu bote. Il dominait tous les poissons de la mer. Il dominait tous les oiseaux du ciel. Il dominait les bêtes des champs. Il dominait tous les rois de la terre. C'est Dieu qui avait fait de lui ça. Mais lui, au lieu d'honorer Dieu, il a pris sa domination et la puissance que Dieu lui avait donné l'autorité, il a commencé à pécher. C'est vrai. On ne se moque pas de Dieu. Mikonambi ya kanisa frère. J'ai dit à l'église avec mon toute frère, la pression. Na mapendo yote. Chaque frère Jilanduku, et chaque sœur en particulier. Il est un zambi où qu'on a tiens en aille. Les péchés avec lesquels tu joues. Il est un zambi où l'on est carrière. Les péchés dans lesquels tu t'assois. Où qu'on a katala kutubu. Tu refuses de te repentir. Où si wazi akusema. Ne crois pas que Mungu akuone. Dieu ne te voit pas. Na apana kusabu ya kusema Mungu anasabu. Ne crois pas que Dieu a oublié. Ni nema ya Mungu. C'est la grâce de Dieu. Iko na kuchunga utubu. Avant que fimbo yake ilamuke. Avant que sa colère. Kama fimbo ya Mungu inalamuka. Et que le fouet de Dieu s'élève. Je vous dis mon frère, ma soeur. Kambia ndugu na dada. Ute jona. Tu te verras néant. Alors tu découvriras que tu n'es rien, tu n'as rien. Même le poulet vivant est valable. Même les vers de terre, les vers de terre vivants est plus valable que toi. Dieu, il y a un temps de vengeance pour Dieu. C'est pourquoi vous voyez comme nous allons le lire. Avant que Daniel interprète ses songes, Daniel lui dit, je vais te donner un conseil. Mais fin. Wache ushimamishe. Mefin. Shimamishe wache. Ache péché. Zambi yako. Et Dieu te sera favorable. Ata kukubali. Mette fin au péché. Shimamisha zambi wache. Dieu vous sera miséricordieux. Mungu atakushikiria buluma. Bana ouviri yuko na fora kibembo. De l'arrogance. De la prêchation. Ona fora kuya membre wa kanisa. Tu sembles être membre de l'église. Tu es dans l'église avec le péché. Tu fais des choses en désordre. Le temps de Dieu viendra. Wakati ya Mungu itafika. Oui, on a ta demi, tu n'es rien. Auna kito ata kidoko. En comparaison avec le roi Nebuchadnezzar. Kulinganisha tunao mfalme Nebuchadnezzar. Wewe hauna kitu. Kitu dominé toute la terre. Wewe mtu atawala ulimwengu mzima. Wewe una tana nchenge ya kulinganisha na yeye. Tu n'es rien. Auna kitu. Mais il fait son témoignage. Lakini yeye weko na shuhudia ushuda yake. Eh, nduku. Il était tranquille. Quand il était tranquille dans le péché. Tranquille dans le péché dans son palais. Salama Muzambi, munyumba yake mufala. On était là na télévision, on angaria banamuke bunji. On avait la pas téléphone, on regardait les femmes. Ma YouTube. Tu regardes dans ton téléphone YouTube des choses vaines. Jobi le biko na ku préoccuper. Voilà, on lit à couper ma tête. Ata appareil à consommer à ta Bible. On est de prendre un appareil lire même la Bible. Où est la prédication? Tu regardes des femmes dévêtues, des hommes bintu bien vieux, des choses vaines. Par amour que vous restez dans mon désordre, où les caratou? Tu es là assis. Na ouais on a ce mal. Je suis en paix. Tu t'es dit que ukum salama. Malari arukule. Bukari uko na kuria. Tu manches un jour. Kunenda bien. La santé. Na pamuse unalala. Munyumba unalala mzuri. Tu es en paix chez toi. Na wewe unaona sema unaona hakuna kitu. Tu te dis qu'il n'y a rien. Kile Bible nasema. C'est pourquoi la Bible dit mtu pumbafu. Un homme insensé. Anasemaka Mungu ana que Dieu ne existe pas. Apikake. Et Dieu ne ni pumbafu. C'est un insensé. Mais celui qui est de Dieu, il craint le Seigneur. Et qu'on a mon copain Mungu. Il sait anajua que la patience de Dieu ya kwamba uvumilivu ya Mungu est son salut. Jo okovu yake. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche. Et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnais qu'on fasse venir devant moi tous les saints de Babylone afin qu'ils me donnent l'explication du songe. Vous voyez, il fait son témoignage. Et dans son témoignage, il montre que tous les De l'Esprit de Dieu qui avait habité en lui a pu dénouer, il a pu révéler ce qui était caché dans mon songe. Oui, frère. Oui, sœur. Et il donne son témoignage. Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, et je regardais, et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. C'est lui qui parle. Hein? Et je lui donne encore une autre vision. Parce que le temps d'humiliation était arrivé. Irifika. Mungu Dieu alikuwa sasa tayari ya konesha Nebukadnezar ya kusema uko bule hauna kintu Zenea, tu n'as rien. Hauna na kintu tu n'es rien. Na hauna kintu tu n'as rien. Uko bule tu es un néant. Frère, Duku, nous ne valons rien. Si à tunana bei ata kidogo. Un homme qui est né de la femme ne vaut rien. Anana bei ata kidogo. Frère, Duku, nous tous, Shibote aba, nous sommes un mensonge. Duku tu bongo. Un homme qui est né de la femme est un mensonge. Un mensonge, c'est quelque chose qui n'existe pas, mais qu'on présente comme une réalité. Un homme qui est né de la femme est néant. Un mensonge. Libongo, mutupu. Je suis un mensonge. Ni kubongo. Toi tu es un mensonge. Tous les rois de la terre sont des mensonges. Tous les chefs militaires sont des mensonges. Tous les commerçants, les mensonges. Tous les savants, les mensonges. Tous les ingénieurs, des mensonges. Voyez, les trafiquants, les mensonges, les constructeurs, les mensonges, tout le monde, comme tout le monde, à Nazareth, quand j'ai mon amour, mon amour, nous sommes des mensonges. C'est vrai. Nebuchadnezzar pensait qu'il était quelque chose. C'était rien. Quand le temps d'humiliation vient, frère, ma sœur, il est manguo qu'on a tout en les habits avec lesquels tu as tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout en tout Na kashemizi unavuala. Na kashemizi kankochi unavuala. Na bilato unavuala. Na wewe unatuntuka sema kwa mtu. Hauna mtu uko bule. Mtu ni yule anazaliwa kwa mara ya pili. C'est vrai frère. Bien que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. On va continuer. Tout a endelea. Vous m'avez pardonné, j'ai pris 5 minutes, je n'ai pas vu. Lèvons-nous pour la prière. Nous continuerons. Nous commencerons à partir de là. Nous sommes rien, frère. Nous sommes rien, ma soeur. Toi, tu es kiburi. Ce sont de l'orgueil. Toi, tu es un zambi. Ce sont les péchés. Kiburi ndio kile kinatendesha dhambi. C'est l'orgueil qui nous fait commettre des péchés. Unatombokea Mungu. Tu te révoltes contre Dieu. Unavunja sauti ya Mungu. Tu brises la parole de Dieu. Uko nalofa kukanisa. Unafanya mafere yako. Uko le Johnson uko muntu. Tu te crois être quelqu'un. Hauna muntu. Tu n'es rien. Na una kintu. Tu n'as rien. Tu n'as rien, tu n'es rien. Hauna na kitu na una kitu. Uko naishi uko na profiter neema ya Mungu. Tu vis tout en profitant de la grâce de Dieu. Profiter neema ya Mungu. Tu profites de la grâce de Dieu. Oui, profiter mungambo mzuri. On a profité d'un bon côté. Dans la crainte de Dieu. Ndani ya boka ya Mungu. Hapana uko natuntuka, uko na jiona aseme uko mtu. Hauna taki kurusha mavinyo. Tu n'es qu'un tas d'astico. Hauna taki kurusha mavinyo. Wewe uko chakula ya mavinyo. Tu es seulement les proies des asticots. Ce sont l'orgueil. Toi, tu es kiburi. Et repentons-nous. Na tupate kutubu. Marchons dans la voie de Dieu. Tembe munjia yangu. Dans la sainteté. Katika utakatifu. Faisons la volonté de Dieu. Faisons ce qui est agréable. Fanya ya kumpendeza Mungu. Et nous aurons la faveur de l'Éternel. Allez, ndio tutakuwa. Soyons comme Shadrach. Tukue sawa Shadrach. Abednego. Et Daniel. Les serviteurs. Dieu très haut. Ya Mungu aliye juu sana. Vous servez le Dieu très haut. Katika kumtumikia Mungu aliye juu sana. Haya tamilipa. Mais quand vous vous lancez dans l'orgueil, vous serez humilié. Vous nous commencerons par là. Tout en prions-nous tous ensemble. Tout Seigneur, merci.